voici l'humeur de Guillermo Gouy. Non. Ouais, si. En live. Ah oui. En live, c'est du live, hein. Sérieux? C'est le vrai, ouais. Absolument. Bonjour les amis. Non. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Alors comme chacun le sait, lundi matin, c'est un jour clé dans le destin de la France, puisqu'on reçoit Astrid Veillon dans la bande originale et qu'il est de et Isabelle Vitary. Il est de notoriété publique que Leïla ne peut pas la sentir pour une sombre histoire de, je sais pas, de cheveux sales, un truc de fille. Enfin, on va rentrer dans les détails. Peu importe. Bon, comment Nagui va gérer cet inéluctable incident? Grosse question quand même. Mais l'autre enjeu de ce lundi matin plus modeste, c'est aussi le premier jour à l'Élysée de celle ou celui. Enfin, espérons celui, si je veux pouvoir poursuivre ce billet sans l'aide du service de sécurité de France Inter. Donc, de celui qui aura été élu. Bah oui, parce qu'à un moment ou à l'autre, il va falloir aller taffer pour de vrai, mon cochon. Eh oui, c'est bien beau de sortir pendant un an, les Français veulent ceci, les Français veulent cela, et moi, président, vous aurez de la confiture sur votre tartine, et vos autos seront dégivrées automatiquement, la viande sera toujours bien cuite, et fini les aigres d'œsophage, etc. Très bien. T'as vendu, les gens ont acheté, c'est super. Mais bon, t'es pas l'employé du mois chez Darty, quoi. T'es président de la faune et de la flore de ton pays. Donc, à un moment, une fois que t'as reçu le limoncello du patron dimanche soir, entouré de tes proches, et que tu leur as dit « Oh, je t'aime, c'est pas parce que je suis président, je sais que je suis bourré, mais je te le dirai même si je t'ai pas bourré, je t'aime, putain !» Bah, le lendemain matin, tu te réveilles et t'as réellement un nouveau boulot. Je veux dire, à part ici Daniel Morin qui a été livré avec la maison de la radio, on a tous vécu un premier jour dans un nouveau boulot. En général, t'arrives, tes nouveaux collègues te jugent, mais il y en a un qui est plus cool que les autres. Il vient te faire « Ah, je m'appelle Jean-Paul !» Mais tu peux m'appeler Jean-Paul. Puis il y a un silence crispé, il dit j'espère que t'aimes bien la déconne parce qu'ici tu vas être servi. Et là tu penses à mourir dans un accident de kitesurf. Mais la DRH arrive et elle te place à ton nouveau poste de travail. Et là forcément t'attends toujours 2 heures que quelqu'un vienne te donner un login. Forcément, ça va forcément arriver à celle où celui, enfin espérons celui, si je veux continuer à pouvoir voler votre pain avec mes billets semi-réussis, ça va forcément arriver à Macron. Son premier jour à l'Elysée, il va arriver vers, je sais pas, à 10h40, quelqu'un va arriver avec une chemise blanche à manches courtes pour lui donner un post-it avec écrit login Emmanuel 123, mot de passe en marche 666. Parce que l'IT manager à l'Elysée a été engagé sous Pompidou. Un peu comme à Inter, en fait, d'après ce qu'on m'a dit, c'est toujours le même staff que sous Stéphane Bern. Hein. D'ailleurs, ici, le premier login de Nagui, c'était Nagui 1M45. Il a dû rectifier lui-même. Aujourd'hui, c'est Nagui 1M47. Faut pas le faire chier avec sa taille, Nagui. Mais bon, oh non. Ce matin-là, je la voyais pas là. Je n'ai pas vu venir celle-là. Ce matin-là, il y aura un flottement, quoi. Il va s'emmerder le temps de recevoir sa nouvelle adresse email et les codes du nucléaire. Je veux dire, je suis sûr qu'il va appeler ses potes pour le dire. Putain, la terrasse est malade ici. On va faire des soirées de dingue. Ça va être le carnage. Trouvez-moi le numéro de Bob Sinclair et tout. Puis on va se faire un compte Tinder. Et quand il aura appelé tous ses potes, là, il va passer au canulaire téléphonique. Genre appeler Angela Merkel. Allô? Non, rien. Elle va accrocher. Donald. Is the valise over tail? Raccroché. Il a ça pour passer le temps. C'est vrai, même les grands de ce monde, ils doivent apprendre. C'est vrai au début. Genre le pape, quand il arrive au Vatican pour son premier jour, il fait quoi? C'est pareil, quoi. Un feu de cheminée. Et oui, il se dit pas directement je vais relancer Jésus dans le cœur des gens. D'abord, il se demande où se trouvent les gants de toilette, le papier aluminium, etc. C'est genre de trucs, quoi, les trucs de base. Et ben voilà, après seulement, il convoque les évêques pour aller faire un paintball. Et ben ce sera pareil avec Macron. Et vivement que ce soit pareil avec lui, qu'on puisse passer à autre chose que cette élection. Allez, bonne émission, les amis. Merci. Bravo, Guillaume. France Inter.